fine mans, lei mes très fine mans, la serre humblement, sans pente ses folies, de mal qui mal longuement, très longue et présente, merci bonnement, madame jolie, car je suis si rigement mise en sa signorie, que jamais allige mon équier la guernaille, si le dîner proprement, qui débonnait le monde, moi si doucement, comme elle s'y brille, de mal qui mal longuement, fait languir plaisamment, mais de si bonnement, madame jolie, et ce madame plaisant qui dont nous regardit. Pour y servir loyalement, ma peine vraiment, bien et hautement, t'aimerais amènerie, de mal qui mal longuement, fait.